premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire maritime et portuaire de la France et de l'Europe. Aujourd'hui, naissance, déclin et renaissance des ports. Demain, Séverine Yatard et Séverine Cassard nous transporteront dans le port colonial de la France moderne qu'était l'Orient, le siège de la Compagnie des Indes. Mercredi, nous évoquerons des espaces portuaires comme lieu de migration et jeudi, nous débattrons des ports négriers et de leur histoire. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la naissance, le déclin et la renaissance des ports entre Moyen-Âge et 18e siècle et même jusqu'au 20e siècle avec Mathias Tranchant. Il est maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de La Rochelle. Il est auteur d'un livre somme paru l'an dernier aux presses universitaires de Rennes sur les ports maritimes de la France atlantique entre le 11e et le 15e siècle. Laurent Varlouzet sera également avec nous. Il est professeur à l'Université du Littoral ainsi que Sébastien Martin qui est maître de conférences en histoire moderne à cette même Université du Littoral. Ils sont tous les deux des organisateurs d'un camp colloque sur la résilience des villes portuaires en Europe. Ils nous expliqueront ce qu'est ce concept de la résilience. Et bonjour à vous, Séverine Yatard. Bonjour à vous également, Laurent Varlouzet. Bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Martin. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints tous les deux pour parler de ce colloque donc sur la résilience des villes portuaires en Europe. Et bonjour à vous, Mathias Tranchant. On va commencer avec vous cette émission d'aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes donc médiéviste, maître de conférence à l'Université de La Rochelle et vous vous êtes attelé à une œuvre qui n'est pas si fréquente aujourd'hui, pourrait-on dire. Une œuvre qui rappelle plutôt l'abbé Migne ou les grands compilateurs et travailleurs acharnés d'archives du 19e siècle, qui est de faire une sorte de recension pour les presses universitaires de Rennes, avec des cartes. D'ailleurs, c'est très utile d'avoir ces cartes, dont on n'a que le premier volume, un tableau géohistorique des ports maritimes de la France atlantique entre le 11e et le 15e siècle. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je vous remercie d'abord de souligner cette peut-être particularité méthodologique qui consiste à revenir un petit peu aux sources du métier, en tout cas s'agissant du médiéviste que je suis. L'idée pour moi est, en premier lieu, était de travailler sur la naissance, le développement, et puis en partie d'ailleurs, le mot résilience a été évoqué tout à l'heure, la résilience justement de ces ports. Et avant, en tant que médiéviste, de pouvoir commencer à me consacrer à cette question, il était absolument nécessaire de pouvoir faire un point assez ample pour avoir des éléments de comparaison et des éléments suffisamment solides sur le plan factuel pour pouvoir commencer à réfléchir. C'est donc 623 sites, c'est ça ? Voilà, alors 623 sites qui ne sont que ceux que j'ai pu répertorier sur la base quand même d'une documentation relativement bien écumée. Il y en aura probablement d'autres à découvrir au cours des années futures. C'est déjà une somme effectivement importante qui permet d'entrevoir à la fois le dynamisme portuaire durant les 11e et 15e siècles, mais qui ne doit pas nous faire oublier non plus je n'en ai recensé probablement qu'une partie d'une trame d'un tissu portuaire qui était encore plus élaboré. Alors ça va de l'endroit où on va faire échouer une barque donc près d'une saline, par exemple, à des ports plus importants, évidemment, Bayonne, Bordeaux, Biarritz ou Caen, qui sont très présents dans cet ouvrage sur le Moyen-Âge aux presses universitaires de Rennes. Donc vous avez recensé tous les types d'activités qu'on peut qualifier de portuaires, c'est ça ? J'ai recensé l'ensemble des éléments factuels, des marques qui permettent d'identifier un port, de le cartographier et d'essayer de comprendre quelles étaient ses activités, les éléments fonctionnels auxquels il était attaché, pour pouvoir en comprendre à la fois le mobile, pourquoi est-ce que ces ports étaient créés, et puis ensuite essayer de deviner ou de caractériser plus précisément leur évolution et leur place dans des réseaux, parce que on est dès le Moyen-Âge dans la constitution de réseaux maritimes. Et ces réseaux, évidemment, commerciaux sont établis notamment à partir de ces territoires que sont les ports. Oui, parce que méthodologiquement, Mathias Tranchant, qu'est-ce qui fait port ? Alors, ça évolue au cours du temps, et puis, effectivement, c'est pas forcément chaque port ou entité qui sert de porc varie selon justement les régions, les époques. Il y a la question anglaise aussi qui est très présente, parce qu'on est sur la façade atlantique, évidemment. Oui, alors effectivement, il y a toute une typologie portuaire sur laquelle je reviendrai dans le second volume, plus précisément, une typologie qui peut être établie à partir de la géographie, mais qui, puisqu'il s'agit d'élaborer et de comprendre des territoires, eh bien à partir de leur qualité juridique, de l'ambition politique qu'il y a derrière ces ports, et évidemment de leur réalité économique, parce que derrière tout cela, même si un port a pu être affecté parfois au transport de passagers, également à la guerre pour l'essentiel, il s'agit quand même d'un point nodal qui permet de relier le monde aquatique à la terre et de permettre aux hommes d'échanger entre eux. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que vous dites que dans le deuxième tome, vous vous intéresserez à des typologies plus fortes, mais ce que déjà, on pointe dans ce premier tome, ce tableau géohistorique, effectivement, des particularités, la pêche à la baleine du côté du Pays Basque, les salines qui sont très nombreuses à tel ou tel endroit, les tout petits ports qui sont dans les anses, en particulier bretonnes de la Bretagne Sud, mais aussi, vous l'avez dit, et Séverine vient de le préciser, tout ce qui concerne ces relations internationales, qui sont les relations avec le voisin, qui est l'Angleterre, qui n'est pas simplement un voisin, mais qui occupe une partie de ces territoires, soit au début de votre période, entre le 11e, 12e et 13e siècle, mais aussi à la fin, avec la guerre de Cent Ans, pour toute la façade qui correspond d'ailleurs aux endroits où travaillent nos deux autres historiens présents ici, c'est-à-dire du côté du littoral du Nord, de la Flandre, etc. Mathias Tranchant. Oui, alors ce qui est très étonnant, une fois qu'on a répertorié les 623 ports, c'est de constater combien, dès cette époque, la moindre fractalité littorale, le plus petit fleuve côtier, la plus petite baie, anse, etc., ont été utilisés précocement à des fins portuaires. Alors, soit pour effectivement la pêche, et la pêche est le mobile initial de la plupart des créations portuaires à partir du XIe siècle, le développement des salines, bien évidemment, et puis ensuite, ce grand commerce international dont le mobile, un des mobiles principaux, a été, au-delà du commerce du sel, le commerce du vin, et puis les grands flux d'exportation de métaux, et puis également de bois et de textiles. Alors c'est vrai que par moment vous parlez de complexe, donc on voit que ce sont des entités plus importantes, le complexe de la portuaire de La Rochelle, de Bordeaux, et puis il y a par ailleurs d'autres petits ports. Alors ce que vous précisez aussi, ce que vous montrez, c'est que ces ports disparaissent. C'est-à-dire que soit on n'a pas la technologie pour les réaménager, soit ils ne sont plus, soit ils sont réaménagés, soit ils ne sont plus utiles, par exemple à tel ou tel commerce ou tel échange. Voilà. Alors effectivement, il y a cette double approche, une approche qui est fonctionnelle. À quoi sert le port? Et pour le coup, si le mobile de sa création n'existe plus, est-ce qu'il a toujours lieu d'être entretenu? Et effectivement, on a pu voir quelques petites disparitions portuaires de ce point de vue-là. Même si, quand il y a des transformations ou des disparitions, elles sont souvent liées plutôt à la question environnementale, qui aujourd'hui nous paraît absolument évidente et qui l'est également pour cette période-là. On est face à des populations qui sont tributaires de façon très importante, tributaires des éléments. Et à partir du moment où certaines zones s'envasent de façon très rapide, et ça a été le cas à partir des 12e et 13e siècles, petite incise à ce sujet-là, les grands défrichements que l'on connaît ont permis le développement de l'Europe occidentale au cours des 11e et 12e siècles, ont produit quelque chose qui est bien connu aujourd'hui, qui est l'érosion, le lessivage des sols, et ce lessivage a généré en aval, c'est-à-dire dans les estuaires, quelle que soit leur importance, des envasements très importants entre les 13e et 15e siècles, ce qui a conduit parfois à la nécessité d'abandonner des sites qui se sont trouvés comblés. L'exemple de Harfleur, par exemple, est absolument significatif en la matière. Alors Harfleur, effectivement, qui fait face à Honfleur dans l'estuaire de la Seine, et qui est le port, un des deux ports de Rouen au tout début de notre période, et qui ne le sera plus à la fin de votre période. Mais on peut réfléchir, effectivement, pour ceux qui voyagent du coup côté du Poitou-Charentes ou de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, à Brouage et au sort de Brouage, avec le recul, justement, ou l'avancée, pourrait-on dire, des terres à cause de ces envasements dont vous parliez. Alors, ce qui est tout à fait passionnant quand on vous lit, c'est qu'on découvre tout un tas de tout petits sites dont personne n'a plus jamais le souvenir comme étant des ports et qui datent de ce Moyen-Âge. On découvre, par exemple, le port de la Queue de Vache à la fin du 15e siècle. On découvre des créations, c'est-à-dire... Et là, on attend évidemment votre deuxième volume, qui sera sûrement très intéressant pour cela. On se dit, mais qui sont ces gens qui, à un moment ou à un autre, se disent... On va peut-être aussi faire de l'argent en créant un port. Il y a des seigneurs qui vont aménager, comme le disait Séverine Yattard tout à l'heure, de nouveaux ports en pensant qu'il y a des opportunités pour pouvoir gagner de l'argent, commercer de façon plus facile et donc avoir une fortune plus grande à la sortie de leur investissement, Mathias Tranchant. Oui, effectivement, vous avez utilisé le terme d'opportunité, c'est de cela dont il s'agit. Alors... l'exemple de Queue de Vache, vous venez de le souligner. Dans cette région, il y en a d'autres, entre le 13e et 15e siècle. C'est quelques... en Aunis. Voilà, en Aunis, hein, en Aunis, autour de La Rochelle, absolument. Il y a eu comme ça quelques petits ports supplémentaires qui ont été créés, souvent sur la base de moyens considérables qui ont été mis en œuvre. Mobilisés. Il a fallu creuser, parfois sur plusieurs kilomètres, des canaux qui permettent d'accéder au plus près, en fait, au lieu de production. Ça, c'est quelque chose peut-être qui nous échappe aujourd'hui. Un port, aujourd'hui, c'est un lieu nodal qui est relié par tout un tas de voies de communication diverses et variées. À cette époque, en fait, il n'est pas question d'utiliser la route ou le moins possible, tout du moins. D'accord ? L'idée, c'est de créer un port à proximité des lieux de production. Et donc, si les productions sont un peu plus reculées dans les terres, eh bien, on essaie de faire en sorte de créer des canaux pour se rapprocher, justement, de ces lieux de production. En l'occurrence, ici, il s'agit du vin. Oui, ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'effectivement, il faut que ce port soit relié à de plus petites rivières qui permettent, justement, de faire accéder les matériaux jusqu'à ce port, qui est une création nouvelle, et qu'ensuite, on puisse le développer, ce port. C'est cela, Mathias Tranchant ? Oui, absolument. Alors ça, c'est sur l'aspect technique. Et puis, il y a derrière aussi tout un panorama politique, hein, puisqu'il s'agit de traverser parfois des terres seigneuriales qui appartiennent à un concurrent. Et donc, il faut organiser tout cela, parfois au moyen de la justice, puisqu'il s'agit aussi de régler des différends. D'ailleurs, cette documentation judiciaire nous est bien souvent utile, parce que c'est grâce à ces conflits eh bien, qu'on peut d'ailleurs accéder justement à ces initiatives et comprendre un peu ces initiatives. Donc derrière, il y a aussi cet arrière-plan politique qui a obligé les individus, les décideurs, eh bien, à se mettre d'accord pour permettre l'organisation de ces nouveaux ports. Et en même temps, vous dites, Mathias Tranchant, sur cette idée de concept qui est maintenant très utilisée justement en histoire maritime de ville-port, qui, je crois, avait été développée par Gérard Le Bouedec. Alors vous dites, elle n'est pas pertinente justement à cette époque-là. Voilà, il n'y a pas. Alors même s'il y a toute une problématique politique autour des ports, mais ce n'est pas du tout quelque chose de systématique. Oui. Alors là, vous touchez également un point qui est absolument essentiel. Effectivement, sans doute sur la base des travaux de la période moderne, on a longtemps considéré une sorte d'évidence de lien entre un port et une ville. En réalité, au Moyen-Âge, il n'en est rien. La plupart des ports sont ce que j'appelle des ports ruraux. Et quand je dis ruraux, ça ne veut même pas dire qu'ils sont situés à proximité d'un village. Ils se trouvent souvent éloignés de ce même village. Parce que c'est une porte de sortie, mais c'est une porte d'entrée aussi, un port. Et d'entrée à un certain nombre... éventuellement d'intrus, d'hommes d'armes. On est quand même, pensons-le, dans une période, surtout pour la fin du Moyen-Âge, qui est soumise à des guerres et à des intrusions, notamment anglaises. Et puis pour le début de votre période, on n'est pas très loin des incursions vikings. Absolument. Voilà. Donc c'est un lieu sensible. Et à partir du moment où c'est un lieu sensible, on s'en protège. Il est utile, il est nécessaire, mais en même temps, voilà, il est sensible, il est fragile, et il peut fragiliser la communauté qui l'exploite. Donc, en général, il est plutôt à l'extérieur des zones villageoises. Et quand il est proche d'une ville, il y en a quelques-uns évidemment, on peut penser aux plus grands, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rouen, etc. Eh bien la ville est close face à son port. Et même quand le port est intérieur, c'est-à-dire par exemple comme à La Rochelle, où on a un port qui se situe à l'intérieur des remparts, eh bien il y a des remparts intérieurs qui permettent de se protéger de ce port lui-même. Donc en fait, quand on parle de ville-port, évidemment on imagine, enfin on pointe du doigt la question économique, le lien, le poumon économique que constitue le port par rapport au développement de la ville. Mais ça ne veut pas dire que sur le plan organisationnel, sur le plan de l'espace, sur le plan politique et juridique, ce soit deux territoires Je reviens à nouveau sur ce terme territoire, qui sont des territoires complémentaires et véritablement liés l'un à l'autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette période que vous couvrez entre le XIe et le XVe siècle, et vous l'avez dit, une période de profond bouleversement, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a tout de même effectivement la Guyane anglaise qui est là présente tout le temps dans le sud-ouest de cet Atlantique que vous parcourez dans ce livre Les ports maritimes de la France Atlantique. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très intéressantes, ce sont les naissances. Et moi j'ai été très surpris de ce que vous expliquez des naissances de ports. C'est-à-dire que vous voyez naître des endroits qui ne sont pas des ports et qui le deviennent à un moment donné. Parce que, par exemple, on veut mettre en place la saliculture, donc, et ça, c'est du côté, effectivement, du centre-ouest de la France, du côté de La Rochelle ou de l'Aunis, dans ces coins-là. Vous dites, ben voilà, je vois naître, je ne sais pas si c'est au 11e, au 12e ou au 13e siècle, la saliculture, donc les marais salants. Vous voyez naître les petits ports de Bretagne, à la fin de votre période, vous voyez naître d'autres ports, évidemment La Rochelle, qui est une création du 12e siècle, tout cela, vous le voyez se développer dans cette période qui est courte, tout compte fait, de 3 ou 4 siècles, qui est la vôtre, Mathias Tranchant. Oui, alors pour répondre à votre question et au point que vous soulignez, je voudrais indiquer cet élément, c'est-à-dire que travailler sur les ports, c'est se donner la possibilité de disposer d'un marqueur supplémentaire des développements de l'activité maritime au cours des 11e et 15e siècles. Longtemps, l'historiographie autour de ces questions d'échanges maritimes était fondée eh bien, sur une documentation de nature économique et fiscale, d'accord, pour l'essentiel. Bien. Et les ports étaient passés sous silence, sont passés souvent sous les radars. D'accord. Et donc beaucoup d'activités économiques, puisqu'on n'avait pas repéré ces ports, eh bien, ont échappé à la réflexion historique. L'idée, c'est de se dire aussi, le port est un marqueur de cette économie. Allez le chercher. Chercher à comprendre ses naissances, les moments de la naissance, les moments des développements, les mobiles, etc. Eh bien, c'est pouvoir reprendre cette histoire économique et cette histoire des échanges maritimes, je dirais, par ses plus petits éléments. Voilà. Et donc, encore une fois, le port est un marqueur. Oui. Il n'y a rien de... un marqueur historique. Ce qui est assez formidable, et c'est là ce qui vous rapproche des érudits, des grands historiens du 19e siècle, c'est qu'il n'y a rien de trop petit, en l'occurrence, pour vous, Mathias Tranchant. C'est-à-dire descendre à la plus petite échelle, dans la documentation la plus précise possible, n'est pas, disons, une gageure impossible et surtout qui pèse sur l'épaule de l'historien. Au contraire, c'est très utile pour pouvoir ensuite construire un tableau beaucoup plus large. Oui. Alors c'est peut-être une déformation de médiéviste ça, hein, surtout quand on travaille sur des périodes assez reculées où la documentation est pauvre, eh bien évidemment le moindre indice on l'utilise. Donc mon métier consiste justement à essayer de d'élaborer des méthodologies qui permettent d'accéder à ces indices. Donc voilà, je pense que d'une certaine manière mon travail ne fait que représenter le travail des médiévistes. Bon, je suis passé peut-être par une école poitevine qui m'a amené pas dire du mal de cette école Poitevine, au contraire. Certainement pas, au contraire, et qui m'a amené justement à entreprendre ce genre d'exercice. Vous expliquez en tout cas, que bah, pour le cas de la Bretagne, c'est une côte un petit peu particulière, parce que bon, elle est extrêmement importante, et que justement pour trouver votre documentation, vous n'avez pas pu trouver des actes plus institutionnels, administratifs, ou relevant des taxes douanières, par exemple, mais c'est par les marins et... leur visite extérieure, disons, leur d'autres ports que vous êtes arrivé en recoupant, j'imagine, ces trajets maritimes, l'existence de ports. Absolument. Alors, peut-être là aussi revenir sur quelle documentation convoquer, oui, quand on travaille sur ce type de questions. Pour le Moyen-Âge. Pour le Moyen-Âge, bien évidemment. Il n'existe pas une liasse quelque part dans les archives nationales qui s'intitule « Les ports maritimes français au Moyen-Âge ». Bien. Donc c'est un travail de recoupage. Et aujourd'hui, les bases de données nous sont très utiles. Depuis 2011, j'ai mis en œuvre la réalisation d'une base de données qui s'appuie en particulier sur la recension et l'identification des documents qui sont relatifs à l'histoire maritime et qui se trouvent à la fois dans les séries des parlements et du Trésor des Chartes. C'est un travail qu'on a lancé depuis plusieurs années et qui a permis justement d'identifier le moindre acte qui se rapporte aux questions maritimes. Et à partir de ces actes, eh bien, voilà, par une démarche exploratoire, eh bien, on a pu mettre en évidence des sites qui, jusqu'à présent, étaient plutôt laissés en sommeil. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une autre chose à laquelle je suis très sensible, c'est la réhabilitation du travail des érudits du 19e siècle. On a été extrêmement critiques à leur égard, et on le comprend dans la période où ça s'est fait. On le comprend parce qu'effectivement, à un moment donné, cette érudition était sans doute sclérosante pour la compréhension même d'un certain nombre de faits historiques. Mais on a fini par en oublier ce travail de base qui consiste à un moment donné à simplement identifier des actes et essayer eh bien, de les présenter les mieux possible. Et c'est vrai que dans ce travail, j'ai cherché aussi à reprendre tout ce qui a été, enfin le plus possible de ces travaux réalisés par des érudits locaux durant le 19e siècle qui avaient identifié autour d'eux eh bien, des documents tout à fait intéressants qui souvent sont laissés en sommeil, voilà, que je me suis permis de remettre en lumière. Et puis vous parlez aussi des grandes enquêtes menées sous par exemple Colbert, oui. Où là évidemment on commence à s'intéresser aussi, il s'agit de commerce, il s'agit de contrôler cette économie, donc de grandes enquêtes vont être menées. Voilà, alors durant la période moderne, et comme ces grandes enquêtes souvent elles ont consisté à obliger les seigneurs qui prétendaient avoir par exemple des péages et des droits, et bien à faire la preuve qu'il détenait de ses droits. On est durant la période moderne, c'est l'Ancien Régime. Bah, l'Ancien Régime, il s'appuie sur la naissance des seigneuries pour essayer de faire valoir l'existence de ses droits. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que grâce à ces enquêtes des 17e et 18e siècle, eh bien, on retrouve également une petite partie de la documentation qui a trait à la période qui m'intéresse. Alors, il y a quelques mystères que vous pointez du doigt dans votre travail, Mathias Tranchant. Vous vous dites, c'est quand même étrange qu'au Moyen-Âge, Brest... on s'en fiche. Cette rade est magnifique, 150 km², dites-vous, la profondeur atteint plus de 12 mètres, et c'est un port, disons, négligeable par rapport à ses voisins. Vous citez Landerneau, Le Conquet, ou Saint-Mathieu, tout proche. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai mystère. On se dit, voilà, une des grandes capitales maritimes de la France de l'époque moderne et de l'époque contemporaine, voilà quand même un endroit où l'arsenal a compté tant pour la nation française, et qui, au Moyen-Âge, est un endroit négligé. Oui, c'est assez facile de retracer, enfin, et de donner des explications. Encore une fois, le port reste un outil, et s'il n'y a pas d'usage à en faire ce qu'il deviendra plus tard, eh bien, effectivement, il n'y a pas encore naissance, en tout cas par développement. On peut le voir au travers de l'Orient, on peut le voir au travers de Rochefort, le Havre également, par exemple, hein, qui naîtra beaucoup plus tard. Qui naîtra beaucoup plus tard. Et puis aussi, il faut bien considérer qu'à un moment donné, la question navale est au cœur. Un port reste quand même un espace qui est dévolu à des navires. Bon. Et donc la qualité de ces navires, les contraintes qui sont liées eh bien, à la flottaison des navires, à leur accès aux berges, etc., participent également du développement des tels ou tels sites, parce que plus la technologie navale va obliger à trouver des sites en eau profonde, eh bien évidemment, plus certains sites vont être mis en avant par rapport à d'autres. Alors, il y a d'autres cas aussi, Mathias Tranchant, qui sont extrêmement intéressants. Nous nous étions intéressés il y a peu de temps au petit port de Barfleur. Nous avions fait une excursion sur les pas d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, arrivant d'Angleterre pour descendre dans leurs terres du côté du Poitou et de l'Aquitaine. Et on s'était aperçu de l'importance de ce port. Et voilà un port qui... pour tout touriste d'aujourd'hui qui se rend dans la presqu'île du Cotentin, ne représente plus rien, alors que c'était un des grands lieux de l'histoire du Moyen-Âge. Et il permettait aux souverains d'Angleterre et donc de cette région de l'ouest de la France, aux souverains plantagenets, de contrôler leur propre territoire et de descendre ainsi dans toutes leurs terres. C'est quelque chose de très étrange, la vie et la mort d'un port. Oui, alors dans une circonstance particulière, la Manche étant, pour la période que vous évoquez là, une sorte de lac océanique qui permet de relier les deux parties de l'Empire. Voilà, les deux comtés de l'Empire plantagenêt. Alors évidemment, on est allé chercher des têtes de pont pour faciliter le passage d'une rive à l'autre. Et d'un côté Calais, de l'autre, enfin la zone calaisienne, on va dire, et de l'autre côté la pointe du Cotentin, ont nécessairement été privilégiés pour réduire les distances et réduire les risques aussi, hein, parce qu'on ne le dira jamais assez. Ces ports aussi sont peuplés de marins qui ont pris des risques souvent inconsidérés. Il y a quand même des grands seigneurs anglais qui sont morts à Barfleur. Alors c'est vrai aussi, oui, la mémoire anglaise est là pour également le rappeler. Des tempêtes, notamment en Manche, ont parfois troublé le destin politique des grands de cette période. C'est peut-être l'occasion de dire aussi que même si un port pour l'essentiel, a pour fonctionnalité une fonctionnalité économique. Dès cette période, il y a eu, commence à exister quelques lignes, même si elles sont temporaires, de transport de passagers. Et notamment entre l'Angleterre et la France. Alors là, on l'évoque pour une période plus reculée, mais au cours des 14e et 15e siècles, les universitaires et les universités anglaises et françaises ont continué d'avoir des relations assez fortes. Eh bien, les jeunes universitaires. Sous la Manche, voilà, les jeunes universitaires anglais, eh bien, utilisaient des voies maritimes assez spécifiques, manifestement, qui leur permettaient de relier d'un côté et de l'autre la Manche. C'est vrai, Ignata. Ce travail, Mathias Tranchant, vous dites bien, c'est aussi un outil. C'est quelque chose qui se veut être un outil pour peut-être mener alors des monographies de port, à plus long terme, des monographies où là, cette fois, les chercheurs pourront faire de l'histoire sociale, économique, politique, culturelle. C'est un petit peu cette recension en tous les cas, est nécessaire dans un premier temps pour qu'ensuite les recherches puissent se développer. Il y a de ça effectivement dans ce projet. Il y a quelque chose peut-être d'un petit peu, le mot sera peut-être un peu fort, mais d'initiatique dans le sens où les grands maîtres en histoire maritime, pour le médiéviste que je suis, ont travaillé entre les années 50 et les années 80. Depuis, l'histoire maritime, dans le champ médiéval, j'entends bien, le champ maritime a eu tendance à s'effacer derrière d'autres questionnements politiques, juridiques, culturels, etc. Et parmi la communauté des médiévistes, c'est une question aujourd'hui qui pourtant était à la pointe il y a quelques décennies, qui est largement abandonnée. Reprendre par le début, c'est-à-dire par le document, en posant tout un tas de questions. Ces questions maritimes, les reprendre d'une autre manière, c'est-à-dire par des lieux, par des territoires. C'est aussi effectivement, pour moi, en tout cas je l'imagine, un moyen d'attirer un peu plus les chercheurs, et notamment les jeunes chercheurs, vers ces questions. On n'a plus de thèse d'État, on a aujourd'hui d'autres formats de thèse qui sont tout à fait adaptés à l'exploration de ce type de champ. Et il me semble aussi que, eh bien, il y a là, posé sur la table, la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans le cadre, eh bien, de recherche plus collective. Eh bien voilà, Mathias Tranchant qui se pose en premier de cordée d'une nouvelle histoire maritime du Moyen-Âge, les ports maritimes de la France Atlantique, 11e, 15e siècle. C'est le premier volume, il y en aura un deuxième. Absolument. Pas de troisième ensuite, saison. Dans la série telle qu'elle est prévue, non. Voilà. Volume 1, tableau géo-historique, et c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Les polis ont des amants. La grand voile est en danger. La fameuse chanson à virer que sont les filles de La Rochelle, arrangée par Henri Dutilleux, interprétée ici par la maîtrise de Radio France, dirigée par Sophie Janin. Alors, comme nous sommes de très bons organisateurs et nous sommes spécialistes de la chronologie et la fabrique de l'histoire, on a décidé, là où s'arrête l'ouvrage de Mathias Tranchant, de recommencer avec vous deux. Donc, avec vous, Sébastien Martin, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université du Littoral, et vous, Laurent Varlouzet, vous êtes plutôt spécialiste de la période contemporaine et vous êtes professeur à l'Université du Littoral, et vous êtes deux des organisateurs d'un colloque qui vient de se tenir, qui s'intitule « La résilience des villes portuaires en Europe, crise et réinvention ». 16e siècle, 20e siècle, c'est un colloque organisé par l'Université du Littoral Côte d'Opale dont vous êtes tous les deux membres et qui s'attache à travailler aux ports d'Europe, mais à leur résilience. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'on entend par résilience, qu'on entend généralement dans d'autres secteurs, pourrait-on dire, du savoir, en particulier la psychologie, et comment cette psychologie ou ce terme de résilience s'applique-t-il, Laurent Varlouzet, au port? Tout à fait, déjà merci pour l'invitation. En fait, nous sommes quatre co-organisateurs, Sébastien Martin est ici, et avec Christian Borde et Jean-François Grevet, on s'était interrogé sur cette histoire maritime, cette notion de crise, de réinvention des ports. Et on s'était aperçu que la notion de résilience apparaissait à plusieurs moments. D'abord en histoire contemporaine, pour parler de la reconversion de zones anciennement industrialisées, donc au premier chef le nord de la France, auparavant minier, qui se reconvertit dans d'autres activités comme la grande distribution. Et on s'est aperçu que la notion de résilience était aussi utilisée en histoire maritime britannique, resiliency, terme utilisé par William Robert Scott de l'université de Glasgow en 1930, pour parler justement de cette capacité qu'a eu le port de Glasgow à se réinventer après la guerre d'indépendance américaine qui lui a fait perdre beaucoup de trafic. Et ensuite, Glasgow est devenu le grand port impérial, évidemment, au 19e siècle. Et donc, on a trouvé que cette notion était intéressante pour montrer comment les ports ne sont pas simplement des jouets dans des dynamiques plus globales, les guerres, la mondialisation, mais sont aussi des acteurs de leur propre destin. Disons que ça va au-delà de la reconversion, Laurent Varlouzet, c'est-à-dire que vous voulez travailler sur le temps long et travailler sur les articulations et la bascule d'une réinvention, par exemple, d'un lieu, en l'occurrence, ici, les ports. Alors, je dis, rebondir, hein, résilio, donc c'est ça hein, aussi l'étymologie, mais voilà, comment vous distinguez simplement d'un travail de recherche sur les reconversions de lieux, qu'il s'agit d'espaces miniers, mais là, en l'occurrence, des espaces portuaires. Ah, j'ai un mot avant Sébastien qui justement a travaillé sur la question, parce que c'est vrai que moi j'étais parti avec Jean-François Grevet sur l'idée de reconversion, mais l'idée de reconversion en fait porte en elle une dimension étatique nationale d'une politique venue de Paris qui cherche en fait à réorienter une région. La notion de résilience insiste plus sur les acteurs locaux. Oui, tout à fait. Sébastien Martin. Notre choix était de pointer les stratégies des acteurs. Tout à l'heure, on évoquait la définition du port. Oui, le port, c'est un site, effectivement, ce sont des infrastructures. Mais ce sont également des acteurs, et surtout des acteurs pour la période qui nous intéresse, l'époque moderne, l'époque contemporaine jusqu'à aujourd'hui. Et l'intérêt était de croiser les différentes problématiques et examiner ces acteurs, leur conscience de la situation au regard des grandes dynamiques politiques, économiques, environnementales également, de voir quelles stratégies ces acteurs mettaient également en place. S'il y avait aussi une stratégie, parce que j'imagine parfois, est-ce qu'il y a toujours une stratégie consciente de, justement, reconversion? Voilà, tout à fait. Stratégie ou absence de stratégie, hein, ça renvoie à la conscience d'une crise ou au sentiment d'une crise qui parfois n'en est pas une. L'idée de ce colloque est de croiser les approches, de croiser les différents ports. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a une diversité extraordinaire de ports en Europe et c'était justement l'intérêt du colloque de questionner ces situations particulières. En s'emparant aussi d'approches qui viennent de l'écologie, qui viennent de la géographie, qui viennent de l'économie et qui sont en avance par rapport à l'histoire. Mais en quoi cette histoire de la résilience des ports est-elle différente d'une histoire qui travaillerait sur le rebondissement de cités qui ne sont pas portuaires? C'est-à-dire en quoi l'application de cette terminologie que vous utilisez pour ce colloque est-elle spécifique à ce domaine portuaire, où tout compte fait, une ville bombardée du centre de la France, je sais pas, Saint-Dié par exemple, renaît après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a une différence entre la renaissance d'une ville comme Saint-Dié et la renaissance de Lorient, du Havre ou de Royan après la Seconde Guerre mondiale, Laurent Varlouzet. Oui, le Dunkerque aussi qui a été très affecté puisque et ça a été spécialiste. Une des dernières villes libérées puisque les Allemands s'étaient retirés dans la citadelle. Effectivement, on peut utiliser le terme de résilience à l'appliquer à d'autres villes. Ce qui fait la particularité des ports, c'est peut-être leur rapport à la démesure, rappelait récemment Bruno Marnot dans un ouvrage de synthèse. Donc le fait d'avoir des bâtiments gigantesques et même, moi qui suis sensible à la construction navale, des navires énormes en construction qui surplombaient l'ensemble de la ville et qui faisaient participer finalement l'ensemble de la ville à cette construction. Et ce sont aussi des portes vers la mondialisation, des interfaces extraordinaires, donc c'est peut-être ça qui fait la particularité. Sébastien Martin. Oui, il y a une dimension technique qui est absolument indéniable et qui diffère, qui fait la différence entre un port et une ville. Qui fait la différence entre une ville portuaire et une ville de l'intérieur des terres, comme vous l'évoquiez. Ces aménagements, aujourd'hui, si je prends notre époque, sont absolument considérables. Le gigantisme naval se mesure aujourd'hui dans tous les ports du monde, hein, mm-hmm. quel que soit que ce soit à Singapour, à Marseille ou au Havre. Ouais. Exactement. Ça implique des moyens techniques, ça implique également des moyens financiers, des volontés politiques derrière. Donc, les enjeux sont... quelque part sont sensiblement différents d'une ville qui aurait été bombardée, par exemple. Vous évoquez cette trajectoire post-Seconde Guerre mondiale. La reconstruction de Dunkerque, si je prends cet exemple qui nous tient à cœur, puisque l'université est située aussi à Dunkerque, c'est une entreprise absolument considérable, avec un découplage entre la reconstruction de la ville et la reconstruction du port. Les deux ne se sont pas faits ensemble. Mmh. Séverine Yatta. Mais bon, on a bien compris que de toute façon, c'est quand même une catégorie d'analyse. Hein. La résilience, c'est vrai que vous expliquez bien qu'elle est tout à fait pertinente dans le cas des ports, mais qu'elle pourrait l'être après tout sur d'autres espaces ou d'autres lieux. Alors, ce colloque, en tous les cas, vous commencez théoriquement sur la question du temps long, qui semble être des recherches sur le temps long, parce que pour pouvoir décrypter, préciser justement ces étapes de la résilience et les acteurs. Alors, je ne sais pas si certaines interventions, en particulier l'une sur le port de Gênes, par exemple, donc au XVIe siècle, ou d'autres interventions seraient susceptibles de nous faire appréhender un peu mieux les contenus et les recherches de ce colloque. Laurent Varlouzet. Et effectivement, alors déjà sur le temps long, il y a les dynamiques environnementales qu'a souligné Mathias Tranchant, qui sont tout à fait fondamentales. D'ailleurs, les changements climatiques, les ensablements, les envasements, et puis la nécessité de draguer et de déplacer par exemple le bassin du port parce qu'il ne correspond plus au tonnage des navires, etc., etc. Voilà, de le déplacer vers l'aval ou de construire un nouveau port qui soit complètement séparé de la ville, c'est ce qu'on voit dans de nombreuses villes. Et puis là, puisque vous citez Gênes, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve Gênes à deux moments dans le colloque, d'abord avec Bastien Carpentier, un docteur de notre université. Là, c'est Gênes confronté à des mutations géopolitiques. Comment Gênes, après, s'intègre dans la monarchie des Habsbourg, mm-hmm. et donc change, réoriente considérablement son orientation commerciale. Et après, avec Cécilia Bergaglio, c'était Gênes entre 45 et 75 autour du Parti communiste. Et là, c'est plus la société portuaire, l'identité portuaire, en lien avec, évidemment, la force incroyable du Parti communiste italien, société qui se délite après, dans les années 70, avec les mutations technologiques. On voit bien qu'une même ville, elle peut être l'objet de plusieurs résiliences. Est-ce qu'on peut l'exprimer de cette manière ? Oui, l'intérêt de prendre ce temps long, c'est justement d'observer ce que nous évoquions tout à l'heure, les acteurs. Si je prends un exemple qui m'est cher, celui de Rochefort. Rochefort, Arsenal, création du Roi Soleil. La résilience, elle intervient de manière très tardive au XXe siècle. L'Arsenal est créé en 1666. Donc c'est toute une histoire qui se résume naissance, déclin, renaissance, avec des changements d'acteurs, des diversités dans les stratégies aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la renaissance de ce port, c'est la patrimonialisation. Et on fait valoir aujourd'hui à Rochefort cette mer qui est absente. Et cette absence fait partie de l'histoire portuaire de la ville-port de Rochefort. Alors ce qui est tout à fait passionnant dans cette façon d'embrasser sur plusieurs siècles ce que vous appelez la résilience portuaire, l'un et l'autre, c'est qu'on voit effectivement que ces ports sont des objets de convoitise. Et que cette convoitise de puissance étrangère, par exemple, va permettre effectivement à la fois le déclin, la destruction des premières organisations portuaires ou du système portuaire ancien, la renaissance parce que on aura d'autres réseaux commerciaux à défendre. Et ça, c'est tout à fait passionnant que de voir dans votre colloque combien cette question de la prise des ports, de la transformation de ces ports, parce que on s'intègre dans un autre réseau commercial, est essentielle, Laurent Varlouzet. Oui, alors la prise des ports, effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Si je reviens juste sur l'exemple dunkerquois, c'est une ville... Mathias Tranchant parlait des contraintes environnementales. C'est vrai que le site de Dunkerque est complètement inadapté à la création d'un port. Dunkerque, ça veut dire l'église dans la dune, hein, de Kirche, enfin c'est en flamand, donc Kirke. Donc c'est une zone très sablonneuse, mais la ville est devenue un port par volontarisme, en fait, de l'État français, pour créer un port militaire face aux Pays-Bas, Brésilien espagnol. Et le port a dû être démantelé en 1713, le port militaire, la citadelle a dû être démantelée en 1713, après le traité d'Utrecht. C'est Agathe Lessens, notre collègue, qui évoquera ça lors du colloque. Donc là, on voit bien, effectivement, le port, finalement, est une prise de guerre. C'est-à-dire que la ville n'est pas détruite, c'est pas Delenda Cartago, on ne répond pas du sel sur la ville, mais cela dit, la citadelle, en tant que qu'objet stratégique du port est démantelé. Sébastien oui, Martin. Le port est démantelé en 1713 sur obligation du traité d'Utrecht, pardon, et les Anglais vont développer un acharnement tout particulier à ce que le port soit inutilisable, absolument inutilisable. La citadelle va être déconstruite, les fortifications sont déconstruites, et les commissaires anglais sont présents jusque dans les années 1730. C'est dire combien ce port, qui n'a plus aucune importance stratégique, est un symbole dans cette Europe du début du XVIIIe siècle. Et donc, il est nécessaire de détruire ce port, de s'attacher à ce que le port ne puisse pas renaître. C'est vrai, Nata. Alors, il est question, alors j'avance au XXe siècle plutôt, puisqu'on a commencé à parler de la problématique de la patrimonialisation. C'est-à-dire que finalement, un port qui n'a plus d'activité, qui initialement sont les siennes, hein, d'échanges de commerce, de construction navale, militaire, eh bien, il a quand même une nouvelle vie qui peut être, alors, comment la définir? Celle du tourisme? Laurent Varlouzet, ou de mémoire, ou d'histoire, voilà, comment je vois cette patrimonialisation fait renaissance. Oui, vous avez raison, mais en même temps, c'est pas uniquement du tourisme. Là, on a construit le colloque justement à Dunkerque dans des bâtiments portuaires, la Halle au Sucre. C'est l'urbanisme De 1898, la Halle au Sucre, c'est pas un bâtiment touristique, c'est un bâtiment qui accueille les archives, un centre aussi, un learning center sur la ville durable. Ensuite, évidemment, il y a une visite du musée portuaire qui est prévue, le musée portuaire qui également est établi dans un ancien entrepôt des sels puis des tabacs. Mais il faut savoir que notre propre université est établie dans des anciens bâtiments portuaires également à Dunkerque. Un ancien entrepôt frigorifique aussi a été réutilisé par une entreprise qui, y conserve des archives privées. Donc là, c'est intéressant de voir comment un bâtiment bien adapté, finalement, un entrepôt frigorifique, a été réutilisé pour des fonctions auxquelles il est tout à fait adapté de manière contemporaine. Donc vous voyez, à Marseille, vous avez les docks Joliette aussi, de la Joliette, qui accueille des logements, des bureaux. Donc il n'y a pas qu'une fonction touristique, c'est aussi une fonction urbaine, comme vous l'avez dit, réintégrer ces ports au centre-ville contemporain. Où on le voit bien, Mémorial, parce que vous dites que l'université réside ici, et dans nombre aussi de villes portuaires, je pense par exemple à Lorient, l'hôtel des Ventes qui est réinvesti pour les archives municipales, par exemple aussi. On voit bien les liens qui se tissent entre... Voilà, l'enjeu, c'est de retisser des liens entre la ville et le port, qui ont subi justement la spécialisation très récente des activités portuaires. Il s'agit de faire revenir aussi les sociétés, les habitants, dans l'espace portuaire. Se réapproprier un espace. À Dunkerque, c'est aussi se réapproprier un passé. Le 19e, 20e siècle a contribué à distendre, puisque les installations portuaires sont parties vers l'ouest et ont quitté le cœur de la ville. Donc il s'agissait également de retisser ce lien intime jusqu'au début du 19e siècle, ce lien intime entre une population et des installations portuaires. Et il y a tout de même dans cette histoire une difficulté pour les villes portuaires elles-mêmes, c'est-à-dire c'est de tresser le lien, de se dire comment on peut être autre chose et à la fois la même. C'est le cas par exemple de Marseille qui devient le grand hub touristique de l'ouest de la Méditerranée avec plusieurs grands paquebots, quelquefois 6 ou 7 grands paquebots de plusieurs milliers de touristes par jour qui arrivent dans ce port de Marseille, alors qu'il était pensé, elle était pensée cette ville comme une ville ouverte au commerce international et essentiellement au commerce colonial jusque dans les années 60. C'est une autre identité que l'on prend dans ces cas-là, dans ces cas de résilience, Laurent Varlouzet. Tout à fait, là, au colloque, c'est Fabien Bartolotti qui évoque cette transformation de Marseille de port colonial en port après essentiellement dévolu aux hydrocarbures et à la sidérurgie. Puis aujourd'hui, effectivement, avec une dimension patrimoniale comme dans beaucoup de ports. Alors, comme vous l'avez souligné, il y a des difficultés qui sont urbaines, économiques, mais aussi identitaire. Le problème, c'est de réinvestir des espaces qui sont associés quand même à une crise industrielle, à du chômage, à des difficultés sociales. Et donc, ça n'a pas forcément été évident au départ de réinvestir ces espaces pour la population locale qui les associe à des traumatismes. Et donc là, à Dunkerque, on a mené une campagne d'archives orales, plusieurs chercheurs, et notamment avec les ouvriers de la construction navale. Ça n'a pas été évident pour eux de se réapproprier ces bâtiments qui d'ailleurs ont été largement détruits, transformés en musée, parce qu'il y a eu beaucoup de luttes sociales, de grèves pour préserver ces chantiers et qui ont échoué. Et vous avez travaillé vraiment, parce que ça fait penser quand même à la sidérurgie, la fin de la sidérurgie, la reconversion des mines. Donc juste, est-ce que vous avez travaillé avec des collègues spécialistes plutôt justement des mines et de la sidérurgie Ou est-ce qu'il y aurait un terrain commun, à exploiter? Alors moi j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet avant, parce que j'étais à l'université d'Artois à Arras, qui est établie en partie sur le bassin minier. Et effectivement, alors il y a des éléments communs et des différences. Il y a en fait, ce qui est différent, c'est que dans les ports en général et la construction navale en particulier, on est sur ce que Cécilia Bergaglio, au colloque, appelle une aristocratie ouvrière, c'est-à-dire beaucoup d'ouvriers qualifiés. Dans la mine, c'est une aristocratie en raison des avantages sociaux accordés au statut du mineur de 46, mais c'est un métier plus non qualifié. Par contre, ce qui est différent, c'est l'ampleur du phénomène. Hein. Les mines, c'est vraiment c'est des emplois massif, très, très concentré. Au niveau des activités maritimes, c'était plutôt des activités diversifiées, en fait. Et donc, du coup, la chronologie de la crise est différente. Oui, les passerelles avec les autres collègues qui travaillent sur des villes industrielles, oui, existent. Elles ont été identifiées. Et ça rejoint toutes ces problématiques de qu'on évoquait à l'instant, de sédimentation, de construction de l'identité. Et un des apports du colloque, c'est vraiment de rapprocher résilience et identité également dans ces villes portuaires où... il n'est pas forcément nécessaire d'opposer les passés, mais au contraire, on voit que tout cela s'additionne. Dans le cas de Dunkerque, par exemple, c'est tout à fait évident. Oui, alors ce colloque, on espère qu'on en verra les actes d'ici peu. Ils seront publiés d'ici quelques temps ou ils seront mis en ligne? Qu'est-ce que vous allez en faire de ce colloque donc sur la résilience des villes portuaires en Europe, oui, Sébastien Martin? Une publication est prévue. Nous la souhaitons le plus rapide possible et les auteurs vont s'attacher à faire en sorte que l'affaire sorte très vite. et par ailleurs, j'imagine que c'est un projet plus long encore. Vous souhaitez le continuer tous ensemble avec Christian Borde et Jean-François Grevet, vous Sébastien Martin et vous Laurent Varlouzet. Tout à fait, oui. C'est un projet qui s'inscrit déjà dans une journée d'études que Jean-François Grevet avait organisée à Arras l'année dernière sur les aspects plutôt logistiques. Et puis dans les réflexions plus générales du GIS, Histoire et Sciences de la Mer, qui est représenté au colloque par Bruno Marnoux et beaucoup d'autres chercheurs. Donc il y a une communauté d'historiens maritimistes qui s'intéresse particulièrement à ces questions. Et donc ce colloque est l'occasion de réfléchir en particulier à la notion de résilience et aussi, c'est le deuxième élément, dans un aspect de comparaison européenne. Et voilà. Aussi transpérience moderne contemporaine. C'était ça aussi l'enjeu du terme résilience, c'est de trouver un terme qui parle à tout le monde, en français, en anglais, mais aussi en contemporaine et en moderne. Alors, à propos de villes résilientes ou en profonde transformation, vous en avez visité une avec Séverine Cassard, vous-même, Séverine Yattard, pour l'émission qu'on pourra entendre demain, c'est la ville de Lorient. Et oui, ville de Lorient, alors au moment de sa création, hein, en fait, par la Compagnie des Indes. Et donc, voilà, nous avons effectué avec Séverine Cassard une balade à la fois dans Lorient, avec Gérard Le Boisdec, et puis une balade aussi dans le musée de la Compagnie des Indes, qui est à Port-Louis, hein, qui était le site initial d'implantation avant la ville, avec Brigitte Nicolas, donc, qui est conservatrice au musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis. On écoute. <t'-> vrai que les compagnies des Indes s'inscrivent dans le temps long, dans une histoire pluriséculaire qui trouve ses premières formes avec ses routes terrestres de la soie, mais aussi des épices, les routes de l'encens et plus tard des routes de porcelaine. Donc nous sommes ici devant une statuette de la dynastie Tang. La dynastie Tang correspond à la grande période de la route de la soie. Et donc ce chameau qui est présenté dans la grâce de sa démarche lente, alors il a la tête un petit peu penchée en arrière, il montre ses dents, on voit bien le caractère un peu colérique de l'animal, et surtout il est batté, c'est-à-dire qu'il porte des marchandises de nécessité, pichets, toiles, couvertures, destinées à lui permettre de réaliser cette longue marche de près de 7000 km qui reliait la Chine jusque la mer Noire ou les bords de la mer Méditerranée. Donc ce chameau, qui est appelé le vaisseau du désert, c'est lui qui sera remplacé plus tard par les vaisseaux maritimes, une fois que les Portugais vont découvrir ou trouver le moyen de naviguer entre l'Europe jusqu'en Inde. C'est Vasco de Gama qui arrivera en Inde en 1498. Et on peut dire que les Compagnies des Indes, c'est un avatar moderne des anciennes routes de la soie. D'ailleurs, Richelieu avait à un moment pensé relancer les routes de la soie, mais avec la prise de Constantinople, bien avant, la route était bloquée par le monopole des commerçants arabes. Et les Portugais vont trouver le moyen, en fait, de s'émanciper de ce monopole de commerce en découvrant le passage du Cap de Bonne-Espérance et en allant jusque l'Inde. Voilà donc pour un extrait de ce documentaire, cette balade à l'Orient que vous avez réalisé avec Séverine Cassard, Séverine Yattar, et qui sera le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à l'histoire portuaire. Mercredi, nous évoquerons les espaces portuaires comme lieu de migration. Et jeudi, nous débattrons des ports négriers et de leur histoire, mais aussi de leur mémoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Philippe Mercher nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard était à la réalisation de cette émission. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, allez sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez débattre et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. À demain.